بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بن فرير ابن سيا الله سبحانه وتعالى فينا من انسان دا دنيا فينا من جمون دا دنيا مي سلمان لي با انسام avec sa insana, sa jimoun la, Allah fait n'amener la loi qui est obligé de suivre. Il ne laisse insan vivre d'après ce, l'esprit se désire. Si un jimoun vient de la dunya, il vit d'après ce désir ou bien ce, l'esprit qui dit, il peut gagner la vie de difficulté. Jamais il peut dans bien. N'importe qui s'en a qui dit pour vivre d'après mon désir, d'après mon l'intelligence qui dit, ou bien l'éducation qui m'a gagné dans l'université, ou bien d'après mon diplôme, il n'est pas capable de vivre bien. Chaque dimoun, chaque insan est obligé de soumettre avec Wahi. Et Wahi ne va pas comprendre comme besoin sans passeport Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'île est venue comme un modèle. Ensemble avec le Coran, l'invini comme un modèle, ensemble avec le Coran, et lire le Coran vivant, quand nous guettons le Coran, nous trouvons Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie, quand nous guettons Rasulullah sur la vie, nous trouvons le Coran. Chacun de nous est obligé de suivre la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah nous vient insan, nous vient jimoun. Sinon, si nous suivons, nous l'amènons la vie, pardon, nous amènons la vie d'après nos désirs, nous l'intelligence qui peut dire, médias qui peut dire, télévision qui peut dire, mon éducation qui peut dire, la vie difficile. Donc, c'est comme l'islam. Chaque djimoun est obligé de soumettre l'islam. L'islam qui est dit, soumettons-nous totalement à la volonté d'Allah. C'est l'islam. Chaque djimoun, n'importe qui s'en a qui est monsieur, qui est madame, n'importe qui s'en a qui est monsieur, qui est madame, il trouve un seul la loi qui Allah fin amené par vous, il perd l'iman, il vient kafir, s'il est mort, il s'en est cacassé. Je ne suis pas d'accord avec telle la loi, dans l'année 2020, je ne suis pas d'accord avec telle la loi, je ne suis pas soumettre avec ça la loi là. Parce que moi j'ai une éducation, moi j'ai un diplôme, moi fait telle université, moi intelligent, hein, vous pouvez suivre d'après ce qui mon intelligence peut dire, vous ne pas d'accord avec une seule la loi du Coran, il est un kafir. Il perd l'iman, ce n'est qu'à casser. Chaque djimoun est obligé pour lui faire succès dans le dunya, pour lui faire succès dans le kabar, pour lui faire succès dans l'akhirat, il est obligé de soumettre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il avait l'islam pour dire qu'on vit bien dans la dunya. Allah il avait la loi Coran, y compris hadith, l'enseignement, risala, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah il avait ça pour dire qu'on vit bien dans la dunya. Quand dit qu'on dit tout le monde avec Coran, avec hadith, quand dit qu'on dit tout le monde avec Coran, avec l'enseignement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, les poux gagnent des difficultés sur la vie. Aujourd'hui, musulmans dans le monde entier, papa obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, papa suit mon devis, principe, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une difficulté pour tout. Tout musulman plaît. Par exemple, papa plusieurs la loi dans la loi qu'appelle pardon. Beaucoup madame qui porte parda, qui pas parda. Beaucoup madame qui porte parda, qui pas parda. Beaucoup monsieur pas parda. Beaucoup madame pas parda, majorité. Et dans la loi de l'islam, dans le hadith Rasulullah, cela semble dire, qui au beau frère, c'est l'amour. Baisser un beau frère, pas carré sans âme. Ça qui veut dire, ah, il n'a pas âme, non? Rasulullah se semble dire beau frère c'est l'amour. Beau frère belle-sœur pas capable de rester ensemble ça. Dans seul la case. Pas capable de travailler ensemble. Pas capable de vivre ensemble. Oui, il y a une famille. Mais il faut faire pardon. Obligé de faire pardon. C'est là qui peut dire, hein? Rasulullah Sram. Une madame, elle n'a pas vu comme tout le monde avec son calou, avec son cousin, avec son beau-frère. Elle nous a fait par là. Quand nous cassons la loi, elle dit non, à cette moderne, à cette technologie, l'imam Sab qui peut dire à lui, ou pour qu'on y quand on tourne les dents avec l'histoire, elle vient montrer le Coran. L'histoire vient montrer le Coran. Tout le monde qui désobéit Allah, il quitte la loi Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout le monde qui quitte la loi, Allah subhanahu wa ta'ala détruit. Kalou, cousin, beau-frère, l'amour. Il n'est pas recommandé qu'il y ait ce monde pour le sécurité à Kalou. Pas mahram, ni de cousin, ni de beau-frère. À ce moment-là, il dit non, mais ce beau-frère, ça, il m'a dit que moi, je suis grand sœur. L'islam est propre, le pire. Nous qui mal propre. Nous ne comprenons pas. Nous parlons sur le nouvel islam. Une fois dans l'Arabie, écoute-moi bien. Nous ne parlons pas l'homme. Dans l'Arabie, il y a un nommé Khalid. Marié. Il y a 6 mois, il marié. Il y a un homme qui peut passer tout le monde entier. Arrivé. Souvent, beaucoup de la case arrive ça. Khalid, il marié. Il y a 6 mois, il marié. Dans le bureau, il paraît distressé, il paraît d'être à cas. Des tracas stressés, il paraît stressé, il paraît tracassé. Ce collègue de travail qui s'appelle Saleh, approche avec lui une troulie qui râle d'être tracas, de difficulté. Écoute-moi bien, joli événement vrai, il est arrivé de l'Arabie. Saleh, il y a un trou qui ce collègue de travail, il stressé, tracas le lit. Il approche avec lui de Khalid, mais tout le temps pas normal, qui te visage, te paraît dans quel problème qui tracas. Khalid, j'ai dit comme ça, j'ai salé comme ça. Oui, si, j'ai besoin de quelqu'un pour qu'il demande un peu de conseil. Bon frère, n'a pas de conseil, bon jahil. N'a pas de conseil, bon jimoul, qui n'a seulement connaissance d'unia, mais il n'a pas connaissance d'une, il beaucoup d'entre vous. Même qui, quand il est diplômé, il a, comme un livre, il a, après son nom, comme un alphabet, il a, il n'a pas beaucoup comprendre la vie. Allah prend conseil, ban dimoun moutaki, ban kishaz. Ban qui allait dans les voiles pour le 4 roues d'unia bien. Allah prend conseil, ban dimoun comme ça. Le la boudambe. Quand Allah prend conseil, ban dimoun, qui peine à hikma, peine à sagesse, il met tout dans le trouble bien. Il dit, Khalid, il dit comme ça, ou Khalid. Mais quelle difficulté où était comme ça? Dis-moi. Khalid dit comme ça, qui me donne grande difficulté, mais moi, si l'un dimoun conseille, moi. Khalid, qui dit, c'est un 16 coup de la table, les vitaïs peuvent être l'Arabie, ben là, quand on va être non. Il a médité, un pouce de ce collègue salé, avec un pire de bois. Khalid te connaît, il y a 6 mois, mon marié. Mon reste dans un appartement, maman, madame. Nous vivons bien, nous tous seuls. Seulement, mon frère qui s'appelle Hamd. Il a pour, il termine sur l'école secondaire. Il y a une bouche d'université. Mon maman, papa, il reste bien loin de l'autre endroit. Mais, ma papa, j'ai moi comme ça. Qui est dans le boarding dans l'université, par le cas de Dieu, il y a une fréquentation, vrai. Mais seulement, il reste que toi. Il est capable de te frère, de te frère, de te frère. Ça paraît logique, bah, c'est dit. Ça paraît logique. De te frère, il est capable de te bien que tu ne restes dans le boarding. Ça veut dire, mais qui n'a pas dit, non, mais l'islam ne permet pas, mais non, madame. Rassou, ça me dit, qu'est-ce que beau frère, qu'est-ce que l'amour, death, mort. Vous connaissez mal, faites tellement bien. Vous êtes courbois qui m'a fait tellement bien. Pas dire, il m'a mis ça à cause grossier, mais vous êtes déjà dit. Djibé a besoin de fond du vent, d'y fait. Djibé a obligé fond du vent, d'y fait. Si Djibé n'est pas fond du vent, d'y fait, il n'est pas Djibé. Un beau frère a besoin de fond du vent sur le belcier. S'il n'est pas fond du vent sur le belcier, il n'est pas normal. Vous comprenez ce qu'on dit là? Un homme a besoin de fond du vent, madame. Si un homme n'est pas fond, je dis, moi, non, moi, imam Sab, moi, tu vois que ça vient, il me fait le cadeau, madame, pour vous amener sur la tête. Imam Sab, madame, ça a été un, hein. Félix Salam, dame, imam Sab, ça. Un homme, lui, il est fond, je vois, madame, s'il n'est pas fond, il n'est pas normal. Adam, alayhi salam, bédomi, Allah, qui, Hawa, alayhi salam, sur madame, nous, dadi, créé-li, quand finit, qui, Hawa, alayhi salam, depuis que, Adam, alayhi salam, les Adam alayhi salam, nous dada, Ce sommet qui a été une jolie madame de mon écrivain, il y a pris la main. Allah dit à nous de faire une gavon. Elle veut dire, Djibé, il y a fond du vent. Djibé, s'il n'y a pas fond, il n'y a pas Djibé. Un homme qui a fond, c'est vous venez dans l'homme panda. Qui s'en a pas mis, nous, moi, ou qui m'a l'un dans le monde, qui ou l'un dans le monde, qui n'a pas plié, plié la darja, plié ta quoi qui va en sahaba, hein? Pena. Pena aucun insan dans le monde qui a vu comme un sahaba, je ta quoi, je dis. Pena personne pas mis, nous là, ni aucun ulama dans le monde, ni aucun wali dans le monde, capable, et dépasse ban sahaba. Allah da Quran dit à ban sahaba. Que je cause avec Ummahatul Mu'minin. Que je cause avec Rasulullah madame. Ummahatul Mu'minin. Ça qui, avec qui Allah veut dire là? Avec qui? Avec sahaba. Nous qu'a aimé au sahaba, c'est à quoi? Nous qu'on sahaba nous? Celui qui cause mal pour sahaba, il qu'a vu un kafir. Alors, ma bien là, sahaba, Allah dit à sahaba, ça niveau, je n'arrive là. Dieu, ma sahaba, le Coran, que je cause avec Ummahatul Mu'minin, madame de Rasulullah, ça s'en code à par là. Nous qui nous aidons? 2020, non? Technologie, c'était. Moi, j'ai une vidéo, vidéo call. Alors, Khalid, j'ai avec ça, les saliers, mais, non. Khalid, j'ai tourné, mais, mon beau-frère, ça, mon pote, mon frère, ha, y a un beau-frère pour madame, il n'est pas bien, mais c'est de l'islam, beau-frère, c'est l'amour, à ce temps, maman, pas bien, pe, en coller à moi, pe, j'ai moi, ton frère devait comme ça, te penser mal, te tu frère, ça, en tant, il pourrait expliquer bien qui dans l'université, il pourrait expliquer bien dans, hein, toi qui dans boarding, mais te penses ton madame comme ça, normal, il pourrait être ton madame comme ce grand sœur. Beaucoup de belles-mères ont dit ça. Beaucoup de beaux-pères ont dit ça. Beaucoup de mamans ont dit ça à l'époque. Vraiment, tu aujourd'hui, maman, papa, belle-mère, beau-père, on les prend ce désir traversé puisqu'il charia, puisqu'il est islam. Beaucoup de problèmes ont roulé comme ça. Alors qu'il est arrivé, il dit, mon parent, il incite ma père en colère. Il dit, moi, Khalid, ton frère, ça. Tu sais qu'on dit que t'as que du bois aller. Il dit, mon Dieu, mon maman qui n'est pas bon en islam, si vous pas pour libre dans mon case, mon frère avec moi, mon madame pas pour libre. Mon monsieur, madame, nous. Il dit, oh Khalid, tu penses ton frère mal, tu penses ton madame mal, ah ben si tu n'es pas pour faire ça, tu n'es pas pour laisser ham reste que toi, n'arrête que j'en dis qu'il y a un kriyamat. Ce qu'il y a un kriyamat. Il vous dit, là. Parents, il y a un hak, il y a son limite. Ou pas désobéir, ou pas obéir, parents, vous désobéir à Allah. Parents, il y a un hack, il y a son limite. Madame, il y a un hack, il y a son limite. Belle-mère, il y a un hack, il y a son limite. Vous savez même pas les apprendre aujourd'hui. Écoute-moi bien. Là, Sali, je te connais, il a le prend conscient avec un jahil. Ça, je te connais. Khalid, mais pas bon, tu penses mal, ton frère. Allah, dans le Coran, pas dire au moins qu'un aïman n'a pas douté. C'est la Hujurat. Et c'est un ibou kathra minadhan. Pas bon, douter, pas bon, pense mal, tu penses trop faire mal, tu me penses mal, tu mets gouna, le lit qui n'est pas de faire, tu penses ton madame mal, les bouquettes, madame, comment se grandir, à ce tête, ton madame, c'est ce beau frère, les bouquettes, lit bien, beau frère, baissez, pour que c'est ensemble, là. Gouna, péché. Allah, pas grandin, gouna, Allah, pas grandin, gardez son béal, il est normal de vous gagner. Écoute-moi, là. Après 4 ans de vivre, Khalid a 3 ans avec son madame, des garçons et une petite fille. Bon, il a beaucoup reposé. Khalid dit à son frère Khalid, quand tu finis de terminer l'examen de passé, je vais mon place de travail pour toi ici même. Tu caresses contre nous-mêmes, tu mariais contre nous-mêmes. Parait-moi, son frère, ça n'a rien qui vous dire. Les bouquets sont belles, les bouquets sont frères. Le bon dire, Allah n'a la loi, lui. Nous pas capables d'intelligent qui Allah. Personne dans le monde n'est pas capable de plier intelligent qui m'a Allah. La loi Allah n'est pas capable, pas bon. La loi m'a Allah est pure. Il y a du bien pour nous là-dedans. Quand nous tournons les dents avec Allah sur la loi. Mais au mal, nous gagnons. Alors, l'India, comme ça, qui m'a te composé, pour qu'il y ait un bon place de travail pour toi. Un jour, Khalid, il sort du travail, il est venu le soir. Dans le tout. Là, il est venu dans devine le chemin, il y a une madame peut pleurer, une vieille dame, avec une madame en bas, peut plein avec douleur. Écoute-moi bien, peut plein avec douleur. Ça, madame a fait si, pour faire Khalid arrêter. Khalid, sur le teu, il a arrêté. Il dit, madame, mais qui n'est arrivé? Vieille dame, j'ai dit, ça, c'est motifié. Il est prêt pour accoucher. Il peut gagner douleur pour l'accouchement. Parce qu'il y a des bêtards sous ce capa, et nous amenons à l'hôpital qui est plus près. Il peut trop souffrir. Son mission à travail, dans le voyage, il n'a rien, il n'y a pas personne. Guédé au calme, amené à l'hôpital. Khalid, un muttaki, un parisdar. Il fait son chèque face à l'art. Bien ordine, bien chaste. Il y a pitié pour sa jeune dame qui est enceinte là. Avec sa vieille dame là, il amène à l'hôpital. Quand il rentre à l'hôpital, sa madame là de transport, il fait doigt pour Khalid. Allah, gardez-vous bien, gardez-vous madame, vos enfants bien, etc. Bon là, rentre à l'hôpital, madame là rentre dans la salle d'opération pour lui accoucher. Khalid dit à madame là, aussitôt qu'elle lui a accouché, femme à connaître, qui n'est arrivé. Il y a tant sa madame là que sa jeune dame là, laissé accoucher. Khalid en même temps, il téléphone la case, il met sur madame au courant. Quand il était qui n'est arrivé, il dit, babouka rentre la case vite, il est dans une situation. Il est obligé de rester à l'hôpital, il est obligé d'attendre l'hôpital. Khalid est fatigué, il n'a plus au mirail. Écoute-moi bien, il n'a plus au mirail, il y a un petit sommeil. Et un docteur crié, lui. Le docteur crié, lui, ce sommeil est cassé. Il est tout de la police avec le docteur. L'histoire vraie, il a regardé la rabbine, hein, écoute-moi bien. Il trouve de la police avec le docteur. Donc, la police dit, non, pardon, docteur dit Khalid, ou même Mr. Khalid, il dit oui. Khalid vient avec madame là, madame si la vieille dame là, mais il finit qu'un petit bébé bien. Madame dit non, dit la police, lui-même ça, lui-même ça. Lui-même ça. Khalid vient sûr. Pour aller amener lui, rentre dans le bureau, dit la police et le docteur, tu vieille dame là. Madame dit oui, lui-même ça, il finit viol motifi. Attends-moi bien là. Il finit viol motifi, à ce qu'il dit qu'il motifi pour accoucher, pour mourir avec lui. Et là, il fait un étranger pour prendre un petit bébé là, pour mettre dans la masjid, pour prendre une société pour lui, pour qu'il mette dans l'ouvelina. Khalid gagne saut. De la police devant lui, docteur devant lui, sa vieille dame là devant lui, accuse lui comme si il viole ça. Ça, l'événement passe dans le journal, dans le magazine, dans le livre. Dans le livre, on lit, il y a un livre. C'est un vrai navet l'arabie. Le Khalid gagne sa message là, qu'il viole sa jeune dame là, et accuse lui comme si il est pour moi avec lui, etc. Il gagne sauf, tombe sa connaissance. Quand il gagne connaissance, de la police là, Khalid, l'homme de Saint-Dizier, la police, elle lui paraît, ou paraît un bon, bon dimoun, paraît ou innocent. Raconte-nous l'histoire. Paraît un bon dimoun, Barret ou innocent. Khalid raconte ça au événement qui est arrivé. Tout est arrivé sur travail, il est venu, vieille dame là, ça, il tombe malade, il est à l'hôpital, raconte tout. La police dit à Khalid, nous parlons de procédure qui est là, qui est là, Inch'Allah nous vous prouve ou innocence. C'est même travail, vous avez qui est bien facile. Nous vous avez fait tester où? Donc, il y a là, dit, vous avez fait tester Khalid, pour connaître le vrai côté de Astiat, Khalid d'accord. Téléphone sur la case, il dit, vous t'en vous venez de faire test avec Khalid. Après, moi, quand il y a un résultat sur test, a trouvé qu'il est innocent, par ça, il fait tombe d'accident en place, il fait sugar boil là. Qu'il est innocent? Astiat, vous êtes testé sa madame, ça suffit là. Ok, là. Qu'elle finit tester tout, de là, donc, t'es déjà Khalid comme ça. On connaît Khalid. Il y a un petit problème là, mon besoin, mon découvert qui sort dans le test. Mais moi, tu as besoin de tester au madame avec votre fille aussi. Bon, avec mes enfants aussi. Docteur dit, Khalid, je suis un petit saut dans le test qu'ils m'ont fait avec vous. Moi, besoin de tester au madame aussi. Donc, regarde, je suis un docteur, dis-moi qui n'est arrivé. Moi, je m'ai accepté pour suivre le décret dans l'âge. Dis-moi qui n'est arrivé. L'important, c'est qu'ils m'ont capable de sacrifier pour mes enfants. Je m'ai parlé que mes enfants sont malades. Ça m'a bien là. Docteur dit, Khalid, mon tout qui saut, qui parle au mal avec vous, moi, besoin de tester au madame avec mes enfants. Quand le téléphone est allé à ses madame, ses enfants, dis ça, pour trouver innocent, là. Trouver qui m'a accusé, là. Maintenant, la même, là, madame, et que madame, là, tu là. Et, il y a la cabine sur madame, quand fini de tester, fait faire tester sur madame, avec ses trois enfants, ses deux garçons, avec ça, c'est fille. L'équipe banane dans l'hôtel, il est bien venu, téléphone directionné. Sauf faire ham des causes avec lui. Laisse faire ham des causes avec lui, il dit, il pas casse la porte, nous venions de ce moment-là. Ça veut dire, sauf un ham, là-bas, côté de la carte, téléphone, Khalid, il dit, il n'a pas cassé la peau, nous sommes venus là. Docteur dit, Khalid, mais qu'est-ce qu'on peut téléphoner là? Côté de la case. Il y en a 10 000 reste tout. Docteur dit, oui, il y a 10 000 reste de moi. Mais mon frère, ça, il reste de moi, il y a 4 ans, puisqu'il y a 4 ans, il reste de moi. Ceux-là qui la case, ils peuvent dire, ils peuvent demander, ils vont casser la porte. Ils ne vont pas casser la porte, ils peuvent venir là. Docteur Jimmy Moubizé, analyse vous, frère, aussi. Allah, frère. Quand nous quittons la loi, Allah. Quand nous sommes dit, beau frère, c'est l'amour. Pas dire, non, technologie, c'était à l'époque, ça mousse. Pas dire, nous dans 2020, là, non. La loi charia pour rester tout le temps là. Celui qui compte la loi charia, lui, pour cogner. Celui qui compte la loi l'islam, lui, bien cogner. Allah fait nous faire ça. Alors, tester, hein, qui quitte ce, moi, dire. Ce famille, la case, il y a plus de poids, ham, ni vini. Ce frère, tester ham. J'ai dit après une semaine, il y a ce résultat. Après une semaine, Khalid rentre dans l'hôpital, il joue un docteur Maïli Siaï, donne un jus pour calmer lui. Docteur dit comme ça, vous connaissez Khalid. Et parfois, il a accepté que la difficulté vienne. Mais seulement quand il y a la vérité, il est amer, il est souffrant. Le docteur, qui n'arrive, docteur? Qui n'arrive? Dis-moi, docteur, qui n'arrive? À ces causes comme ça, qui n'arrive? Mais quel problème est là? Attends, Khalid. Vous connaissez Khalid, la vérité, il est amer, ça. Mais seulement, Dunia a besoin d'accepter lui. Dia, ouan, dis-moi, il est stérile, il n'est pas pour qu'il y ait des enfants. Qui dit-il? Ouan, dis-moi, il est stérile, Khalid. Ou pas pour qu'il y ait des enfants. Ça, trois enfants, là, c'est pour frère, ou frère qui me fait madame qui a des enfants, là. On sait si, c'est qui n'en avait? Que la somme qui dit, beau frère, c'est l'amour, il me fait ce frère, est-ce qu'on lit ensemble avec son madame, lui, il est stérile, lui, pas pour qu'il y ait des enfants. Docteur, testé son madame, ses enfants, son frère, tout. Khalid, il est stérile, il dit, ça, trois enfants, là, ça, des garçons, là, et que ça, tu vis, là, lui, pour frère, ça, Khalid tombe sa connaissance. Les viennent qui attaquent, ils paralysent le lili, ils viennent fous, ils viennent mettre Khalid dans le mental, ce madame avec ce frère, il corbit sa madame là-bas là avec ce tifi, il me disait qu'on dans un de charia côte, ben, ça fait mettre dans l'ophélina. Que nous quittons la loi là ce matin. Elle la loi parmi quand nous désobéissons. Pardon, quand nous désobéissons Allah. Alors, bon frère, quand là n'avait la loi de dunia, il nous dit bien là-dedans. Pas dire non, moi, intelligent, moi. Mon certificat, moi. Mon diplômé, non. Faire ou l'éducation, faire ou l'esprit, faire ou n'importe qui veut dire, soumets-toi avec Allah, et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. L'élève, on a dit bien la dunia, dit bien la akhirat, inshallah. Allah, t'a la demande.